Chapitre 20. Et la sage-femme rentrant dans la caverne dit à Marie : couche-toi, car un grand combat t'est réservé. Salomé, l'ayant touchée, sortit en disant : malheur à moi, perfide et impie, car j'ai tenté le Dieu vivant. Et ma main, brûlée d'un feu dévorant, tombe et se sépare de mon bras. Et elle fléchit les genoux devant Dieu, et elle dit : Dieu de nos pères, souviens-toi de moi, car je suis de la race d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et ne me confonds pas devant les enfants d'Israël, mais rends-moi à mes parents. Tu sais, Seigneur, qu'en ton nom j'accomplissais toutes mes cures et guérisons, et c'est de toi que je recevais une récompense. Et l'ange du Seigneur lui apparut et lui dit : Salomé, Salomé, le Seigneur t'a entendu, tends la main à l'enfant et porte-le. Il sera pour toi le salut et la joie. Et Salomé s'approcha de l'enfant, et elle le porta dans ses bras en disant : je t'adorerai, car un grand roi est né en Israël. Et elle fut aussitôt guérie, et elle sortit de la caverne justifiée. Et une voix se fit entendre près d'elle, et lui dit : n'annonce pas les merveilles que tu as vues, jusqu'à ce que l'enfant soit entré à Jérusalem.